Haben die Wiesen und Burschen ihre Mütter essen in der Nuss? Dallas, fais bien attention à ne pas t'éloigner de la planète bleue. Là-haut, là-haut, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Ton univers impitoyable, à côté de ta sœur Frisquette, à travers les galaxies de notre univers. Dans le rack, mêlé sur les bords du fleuve Mississippi. Patrie du dollar, du pétrole, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes ta tue-tête sur la blanche, blanche neige. Des vœux de ce grade, faut saluer le ciel. Si juste et on rejette les aigres, on y met la langue. Ah, on est les trocs, on poste la drogue et nous mêlent. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tu roules et tu glisses, Dallas. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Bien attention à ne pas t'éloigner de la planète bleue. Et le numéro 1 bosse pour vous montrer d'une heure et juste. De ta sœur Frisquette, patrie des dollars, du pétrole, avec moi tu chantes à tue tête. Ah, vous bougez, je dis rétro laser en action. Ton univers impitoyable.